c'est vraiment une super chanson. Avec David, on prend du bide. Avec Gérard, c'est plus rare. Avec Serge, on gamberge. Avec Adèle, on est fidèle. Avec Benoît, on casse les noix. Avec Clément, tout le monde ment. Avec Bernard, on est peinard. Avec Chantal, tout est fatal. Avec Geneviève, on a de la fièvre. Avec Basile, on se fait de la bile. Et avec moi, on fait des rimes. Avec Philippe, on met des fripes. Avec Guillaume, y'a plein de mots. Avec Rémi, on est amis. Avec Stéphane, les fleurs, elles fanent. Avec Angèle, y'a tout qui gèle. Avec Viviane, on ricane. Avec Agathe, on fait de la pâte. Avec Gaston, on est glouton. Avec Claude, on maraude. Et avec Hugues, on fait une fugue. Et avec moi, on fait des rimes. Avec Patrice, on est pas triste. Avec Roméo, on fait du rodéo. Avec Nestor, on n'a pas tort. Avec Romain, on se lave les mains. Avec Casimir, on va vomir. Avec Rodrigue, on navigue. Avec Robert, on boit de la bière. Avec Abdoul, on mange des moules. Et avec Chang, on mange des mangues. Avec Eric, on gagne des fric. Et avec moi, on fait des rimes. Avec Joseph, on met des pâtes d'eff. Et avec Georges, y'a un rouge-gorge. Avec Valérie, tout le monde rit. Avec Sébastien, on entretient. Avec Prudence, on fait de la danse. Avec Maxime, on décime. Avec Gisèle, on a des ailes. Avec Solange, tout est étrange. Avec Sophie, on se méfie. Avec Hervé, on est énervé. Avec Luc, on met une perruque. Avec Raoul, on met une cagoule. Avec Hercule, on articule. Avec Denise, on se fait la bise. Avec Nathalie, on fait son lit. Avec Ginette, on est pas net. Avec Luce, on a des astuces. Avec Brigitte, on s'agite. Avec Thérèse, on est obèse. Avec Monique, on panique. Avec Christine, on termine. Avec Hélène, on tricote. Et avec moi, on fait des rimes. Ah ben zut, c'est déjà fini.